C'est comme ça que ça commence, oh la nuit psychédélique, des nuits psychédéliques du Radioton 2018 de CKRL. Ils savent pas dans quoi ils s'attendent, ils savent pas. ils savent pas à quoi s'attendre, non, ça c'est sûr. Vous êtes avec Tania Bélacasse. Salut! Pierre-Alexandre Tremblay. Jérémy Sénégal. Le gars qui veut pas parler. Je parle, ça va. Yes! C'est son baptême à soir de radio, bonsoir. Bonsoir. Fait que c'est ça, je suis avec les deux pires gars à l'est du Canada. Jusqu'à présent. On va être avec vous jusqu'à 4h du matin et ensuite vont nous suivre le reste de l'équipe, donc Catherine Bélanger et François-Samuel Fortin que vous connaissez des transmissions transversales ici à CKRL les jeudis soirs. Donc... on va, entre autres, vous présenter de la musique une bonne partie de la nuit, genre psychédélique, garage et compagnie. On va aussi vous parler un peu de notre programmation, puis on va aussi jaser de Radioton à un moment donné, parce que c'est ce qu'on vient faire. On vient ramasser des sous pour la station. Mais je pense qu'on va commencer avec le festival. Non, on va commencer par le festival. On va commencer par le truc qui nous tient tout ensemble. Oui. Ouais. Sinon, il n'y a rien d'autre qui tient. Exactement. Si j'avais la chance de plus jamais te parler, ça serait tellement magique. On rit bien, là, mais on est bien contents d'être ensemble, ben oui. Somme toute. On s'aime toutes. À peine. À peine. Donc, nous, on travaille sur un festival qui s'appelle Les Nuits Psychédéliques de Québec, qui va présenter sa 5e édition dans 3 semaines exactement, donc le 26, 27 et 28 avril. Ça va se passer du côté du Pantoum et de Méduse. Et c'est quoi Les Nuits Psychédéliques? Ben non, c'est pas un festival bluegrass jazz, c'est un festival de musique psychédélique. Ça fait que... Quoi que l'année prochaine, ça serait le fun qu'on ait une soirée. Je en parle là présentement, mais une soirée bluegrass, là, ça serait... Ça coche. Ça pognerait à Québec. Ah, c'est clair, hein? Moi, je pense que l'année prochaine, on devrait booker Québec Redneck Bluegrass Project. Ah, ouais. Clairement, là. Sérieusement, ah, on en parle. On en parle là présentement. C'est officiel, le premier band qui va sortir pour l'édition 2019, Québec Redneck Bluegrass. Je pense vraiment que je vais me faire faire des dreads. Fait que oui, c'est ça. Donc, cette année, on présente la 5e édition. Et il y a plein de groupes dans cette édition-là. Donc, on va vous faire jouer au courant de la nuit et dont on va vous parler, on va vous présenter tout ça. Ça sera pas pour tout de suite parce que c'est pas moi qui commence. Je sais pas ce que les gars vous ont préparé. On est dans l'inconnu, l'improvisation jusqu'à 4h du matin. Okay, on est fous de même, nous autres. Ben, techniquement, on voulait mettre Weekend Game en boucle jusqu'à 4h, mais finalement, on a fait, on va mettre peut-être une autre toune. Une ou deux. Mais on va probablement passer Wicked Game pendant au moins une heure. Ah, c'est clair. Fait que si t'aimes pas Chris Isaac, moi, j'ai envie de te dire, La personne qui attend pour la 4e fois Wicked Game gagne un T-shirt. Un T-shirt avec ta face. Oh, yes! On commence en musique. Ouais, on se revient. C'est nébuleux, tout ça. Là, on est dans l'improvisation pas mal. Fait qu'on commence à... Enfin, on a entendu déjà les Spaceman Tree pour ouvrir la nuit avec la pièce Sound of Confusion. Je pense que c'est vraiment à l'image de ce qu'on est en train de vivre. Et on va continuer avec The Deviants. C'est encore dans le même style d'idée. Et la pièce I'm Coming Home. Donc, ça va comme suit. Restez à l'écoute, on est là toute la nuit, fait que vous risquez de ne pas vous ennuyer. Oh que non! Êtes-vous prêt? Ouais, je suis prêt! Très prêt! Parti! Your hall, mirror on your wall. So I check my hair, see I'm looking good. Yeah, I'm looking good. So good. Walking up your stairs, walking up. get inside. Well, and I'm gonna love you. Well, and I'm gonna hold you. Well, and I'm gonna kiss you. Well, and I'm gonna well, and I'm gonna well, and I'm gonna well, and I'm gonna en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, la Terre se meurt sous les rayons du soleil. Il faut donc trouver une nouvelle planète où déménager 6 milliards de data. La Fédération planétaire se tourne vers la première puissance mondiale, le Canada. C'est le savoir-faire canadien qui permet l'envoi le 28 octobre 2034 du vaisseau spatial Romano-Fafar qui quitte la Terre vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. C'est Michel Saint-Pierre, Saint-Mathieu, Saint-Hubert Barbecue, Sainte-Catherine, Saint-Denis, Sherbrooke, sur la droite du Papineau, tu descends jusqu'à Ontario, puis là tu cries. Je suis Satan, Lucifer, le démon d'Elzabeth, mais mon vrai nom, Christy. Thank you.

Dexter ill today. Mr. Kirk, Dexter's in school. I'm afraid he's not, Miss Fishmore. Dexter's truancy problem is way out of hand. The Baltimore County School Board have decided to expel Dexter from the entire public school system. Oh, Mr. Kirk, I'm an offended you to learn Dexter's truancy. But surely expulsion is not the answer. I'm afraid expulsion is the only answer. It's the opinion of the entire staff that Dexter is criminally insane. That boy needs therapy. Purely psychosomatic. That boy needs therapy. Lying down on the couch? Well, what does that mean? You're a nut. You're crazy in the coconut. What does that mean? That boy needs therapy. I'm gonna kill you. That boy needs therapy. Granny-gazoo, let's have a chew. I want to count three. That boy needs therapy. He was white as a sheep. And he also made false teeth. Business continues below. Did I ever tell you the story about the cowboys? Midgets. Indians. And frontier psychiatrists. I felt strangely hypnotized. I was in another world. The world of 20,000 girls. And rectangles. Do an optometrist. A man with a golden eyeball. And tiny robotics. Pour juice on your chin. I promised my girlfriend I could play the violin. Une musique de circonstance. Ah. voilà. Et maintenant, force des ténèbres, sortez de mon corps et envahissez celui de mon successeur. Celui que j'ai choisi. Et qui deviendra le nouveau maître du mal et propriétaire de l'enfer. En passant, je lui signale que les déchets en enfer, là, les vidanges, c'est le lundi puis le jeudi. OK? Et maintenant, que je disparaisse et que mon vieux successeur prenne la relève! Come around the bend. casket. Your people better go and beware. Et je fermerai pas le business. Vous allez voir, je vais faire honneur à la profession. Hey! Écoute-moi bien, la chef. Là, tu viens ici faire ton show, mais tu fais peur à personne. T'haïs le monde, mais dans le fond, c'est toi que t'haïs, pis... À partir de maintenant, ce vaisseau deviendra mon quartier général, à partir duquel je terroriserai l'univers tout entier. Je vous interdis de faire ça avec mon vaisseau. Dites-moi bien, vous deux. Dans quelques instants, je serai celui que l'on craindra partout, à travers les galaxies. On m'oubliera. On mourra. En enfer! On va oublier, infamie. Oui. Maintenant, vous allez apprendre à m'appeler par ce que je suis. Qu'est-ce que vous diriez de votre laideur? Oui. J'aime ça. Suivez-moi maintenant. On a un monde à faire pisser dans ces culottes.

Ouais. Anyway, fait que PA, c'était ta sélection. C'était ma sélection. C'est 45 minutes. Fait que j'aimerais que tu m'expliques c'était quoi le concept, parce que c'était vraiment particulier. C'était particulier, c'est que je suis un gros fan de la série Dans une galaxie près de chez vous, et un des épisodes, c'est Le Diable. Le Diable, c'est avec Alexis Martin qui rentre dans le vaisseau le jour de la Saint-Jean-Baptiste pour dire « Hey, j'aime pas ça, Paul Piché », et on le comprend. Et finalement, il décide, tant qu'à être là, je vais prendre avec deux hommes. Puis que, finalement, on découvre que pour tuer le diable, ça prend une vérité qui lui fait mal. Fait qu'il arrive avec une psychanalyse avec Valence. Et il décide de prendre sa retraite, puis il donne ses pouvoirs à Brad, le méchant, le vilain, le pas fin. Et ben, ma playlist, c'est ça que je me suis basé. J'ai pris cet épisode, je l'ai découpé, j'ai essayé de prendre des chansons qui fit ensemble ou quelque chose qui vont relativement bien ensemble. Bon, ok, j'ai un peu exagéré en mettant Dracula, c'est pas vraiment dans la thématique satanique Saint-Jean-Baptiste, mais on y va faire avec. Mais bref, c'était ça. C'était ma playlist en hommage à Dans une galaxie près de chez vous. Merci Flavien Bouchard, Bob Dieudonné Marcelin et Brad Spitfire. Merci PA pour ça. Ben, oui. Hey, y a Jérémy ici qui voudrait qu'on fasse un shootout à ses chips présentement, sucrés ouais, et épicés. Les nouvelles Ruffles je sais sont que t'es sorties, dans... je pense, ouais. Il y a deux semaines. Ouais. Je leur donne un 8.5 si c'est pas un 9 sur 10. Je sais que t'es dans le boot, là, mais c'est magique. J'ai goûté à ça. J'ai un sérieux, doute, on veut une commandite. Ruffles, si vous entendez, les nuits psychédéliques vous attendent. Frito-les, s'il vous plaît. Moi, j'ai une annonce à faire aussi. Il faut que je souhaite bonne fête. Il m'a demandé de l'insulter à radio, mais je ne vais pas le faire parce que je suis vraiment bien élevée. Mais mon ami Mathieu Tremblay, qui est en Gaspésie. Moi, j'ai insulté. Bon, Mathieu, t'es le pire gars. Jérémy l'a dit, puis Jérémy, c'est vraiment le pire gars. Fait que Mathieu, bonne fête. Je sais même plus quel âge que t'as, tellement ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais c'est cool, man. Bonne Mathieu, fête. Mathieu, je t'aime. Hey, on va parler un peu de notre prog des nuits psychédéliques parce que ça s'en vient, c'est dans deux semaines. Puis, trois semaines. Hey. J'ai trop hâte. Ouais. Moi, je suis prête. T'es-tu prête, toi? Je suis prêt. Fait que c'est ça. Ça commence le jeudi soir du côté du Pantoum. Oh que oui! Pantoum. Fait que s'il y en a qui savent pas c'est quoi le Pantoum, c'est une salle autogérée dans Saint-Roch. Saint-Sauveur. Saint-Sauveur. Border Saint-Roch, Saint-Sauveur. Ben, c'est l'Angelier, je pense, qui compte. Ouais, c'est l'Angelier. C'est techniquement, on est dans Saint-Sauveur. On est vraiment. Là, on ouvre un débat, là. On pourrait se parler de ça. Hey, j'ai pas étudié 3 ans en géomatique pour rien. C'est vraiment dans Saint-Sauveur. Ouais. Techniquement, c'est la limite, c'est l'Angelier. Mais bref, on est là pour aller psychédélique. Pas de quartier centraux. Non, donc Pantoum qui se situe juste en haut de la taverne Joe Dion. On va dire ça, on est tous d'accord là-dessus. Oui, on est d'accord là-dessus. Donc, 76 rue Saint-Vallier-Ouest, Ville de Québec, G1K1J6. Merci, Jérémy. Donc, pour cette première soirée où on présente 3 bandes, donc Gaspard Eden de Québec, alias Joey Proto, alias Ego Det, qui est reparti sur un projet psychédélique. Est-ce qu'on sait s'il va faire de la musique ou il va faire de la peinture? Qu'est-ce qu'il va faire? On ne sait pas encore. Fait que... Je pense qu'il va juste peinturer des instruments. Aucune idée. Et on va avoir aussi Xara Dion de Montréal. Xara qui fait dans l'électro-expérimental. Il y a des touches quand même psychédéliques. Et Les Martyrs de Marde de Québec avec Simon-Pierre Baudet. Qui ça va être une performance unique qui rend hommage à Denis Vanier, le poète québécois. Donc, on sait pas à quoi s'attendre. Nous, on l'a pas vu, ce show-là. Fait qu'on va le découvrir en même temps que vous autres. On fait confiance. Principalement parce que le drummer des Martyrs, c'est notre comptable. Mais c'est ça. C'est pas un bon pitch d'avant. Hey, venez voir le show, le drummer, c'est notre comptable. Ça va rocker. Wow. Salut, Dan. Salut, Dan. Et ça va se poursuivre vendredi le 27 avril du côté de la salle multi de Méduse avec 6 groupes. 6? Ouais, 6. Oh, ouais, elle a le site internet devant elle. Oh! Ouais, mais t'avais l'air d'un air interrogatoire. Ouais, hein? Moi, je pensais que c'était 5, mais non, c'est 6. Hein? Non, non, c'est 6. Je confirme qu'on aura Lemon Grabs, Paul Jacobs, Ponctuation, ex-groupe de Québec. Technicolor Blood qui vient pour la première fois à Québec, Vulvette qu'on a déjà vu au off l'année passée et Wizard. Donc grosse soirée psychédélique garage, on va le dire. Ma soirée à moi, j'adore. Ouais, ça va être je pense que c'est une soirée assez solide, ça va être vraiment fun. J'ai un examen qui finit à 9h30 puis après ça, je me pointe là, ça va être ça, tout le monde s'en calisse. Non, je voulais partager ma tristesse de probablement manquer un band, puis c'est un peu triste. Ben, je suis triste pour toi, mais ouais, on peut pas dire quelle bande tu vas manquer parce que c'est ça le concept c'est des Nuits Psychédéliques, c'est qu'on dévoile quoi le fil de la soirée. Exact. Fait que les gens, il faut qu'ils viennent le vivre au complet. Puis s'ils posent des questions, ben on répond de manière nébuleuse, puis on se sauve, puis c'est ça. Fait que écrivez-nous pas là, pour nous demander c'est quoi l'ordre des bandes, on vous le dira pas. Le samedi, c'est la soirée Émanation. Émanation. Samedi le 28 avril, ça se passe encore du côté de la salle multi de Méduse et c'est la soirée Stoner. Donc, avec Death Willers de Québec, Godhead Lizard, qui est un nouveau groupe de Québec qu'on a hâte de voir. Godhead Lizard! Je le disais en faisant de l'attitude, puis les gars, ils me trouvent bidon. Non, je l'aime, ton attitude. Continue de même, je t'encourage. Non, bidon. Moi, c'est mon attitude stoner. C'est le nouveau lot en vente à Radio... c'est le nouveau lot en vente à Radio... au Radioton de Sécurel, l'attitude de Tania. Ouais, je peux en vendre une partie, là, mais pas toute. Faut que je m'en garde un peu. Il y aura également Grand Morne de Québec également. Mylène Kou, qui est plus dans le post-hardcore, mais me dit-on que... Non, ça fit bien. C'est attendu quand même. Ouais, là. Et Monobro d'Ottawa, donc trio de stoner qui est quand même assez renommé sur la scène stoner québécoise. Donc ça, c'est notre programmation 2018. Et moi, je suis pas mal emballé de ça. C'est quoi vos coups de cœur dans la programmation? Qu'est-ce que vous avez hâte de voir? Moi, signature Maurice Tremblay à O'Grendel en after party. Ah, c'est le vrai. Jeudi. J'ai hâte de me voir. Ouais. Il faut mentionner aussi les projections. Ouais, de Louis Bob. Oui, Louis Robert Bouchard qui fait une job impeccable l'année passée, qui était venu projeter pour nous. Donc, bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va nous proposer. De retour pour la cinquième édition, ça va vraiment nice. Mais dans le domaine aussi du plus sérieux, moi, mon coup de cœur que j'ai vraiment hâte de voir, c'est Edmund Grab. Pour avoir entendu le Bandcamp, c'était solide. Ouais, sérieusement, ça, c'est le band que j'ai hâte de voir. Ouais, on m'a dit d'ailleurs que c'était excellent en spectacle, donc j'ai très hâte aussi, je les ai pas encore vus. Xara Dion aussi de l'expérience, j'ai bien hâte de voir ça. C'est le truc qui m'a fait OK, c'est quoi ça? C'est vraiment plus dans l'essence même des Nuits Psychédéliques en disant OK, ça, je m'en vais vraiment découvrir quelque chose, vivre une expérience. Ouais, je vais vivre quelque chose. Moi, je pense que ça va être bien. J'ai très hâte de voir Wizard aussi. Ouais, c'est pas mal dans mon top. Monobro aussi, je pense que j'ai bien hâte de voir ces spectacles-là. Donc, grosse programmation. Et bon, on va le dire parce qu'on est là quand même un peu pour se plugger. Les billets, ils sont en vente au Knockout. Ou au point de vente. Au point de vente, sur le site du point de vente. Donc, vous pouvez aller au Knockout pour acheter vos billets en personne, me voir ou voir Roxane, puis peut-être acheter un disque parce que c'est le fun de s'acheter un disque. Ouais. Fait que c'est juste du plaisir dans le fond. Là. Exactement. Après ça, ben, tu as comme 3 jours de festival, puis tu as un disque. T'sais. Exact. Qu'est-ce que tu veux de plus? Moi, c'est le best. Ouais. Puis, fait que. Puis je vous dis, la Merck cette année aussi pour les Nuits Psychédéliques, c'est insane dans la tête. Oui, on s'est fait faire des beaux t-shirts. Cette année, c'est pas mal nos best à date. Donc, on a hâte de vous présenter ça. Là, ça va être juste du beau. Ben, pour citer un grand esprit, je dirais que les choses vont se passer. Hey, on continue en musique avec Dirty Beaches, la pièce I Dream In The End. On va changer un peu de thématique. Je pense qu'on retournera pas vers Paul Piché parce que c'est moi puis Jérémy qui va mixer pour la prochaine heure. Don't talk shit à pas de Paul Piché, s'il te plaît. Paul Piché, c'est le pire gars. C'est le Tom Cochrane du Québec. Puis on parle pas en mal de Tom Cochrane ici. Je pourrais vraiment fermer ton micro vu que c'est moi qui ai le contrôle puis parler en mal de Tom Cochrane puis tu pourrais rien faire. Mais je vais juste partir ma pièce. Fait que je vous laisse outro le micro. Ouais. Oui, ben on... Hop, c'est ça. Oui, on va faire l'outro. Ben moi, je vais continuer. Je voulais parler de Paul Piché encore, mais finalement, je vais dire Dirty Beaches. Mais venez nous voir au Nuits Psychédéliques, ça va être vraiment quelque chose. Ouais, on vous attend du 26, 27, 28 avril. Au Pantoum et aux Méduses. Oh que oui. Oh. Ça commence. Spend 2 years of my life in a foreign la suite des choses. Pour la suite de la nuit psychédélique du Radioton. Ben oui, je te suivais. Voyons, Caroline. J'ai l'impression de parler de ça, là, ben, c'est dans cette émission-là. Ben oui, on fait la nuit parce que, évidemment, peut-être que vous l'avez pas compris, ça se peut. C'est le Radioton à CKRL en fin de semaine. Puis à quoi ça sert un Radioton? Ça sert à ramasser des sous pour faire vivre la station pour une autre année parce qu'on est tous bénévoles ici. Ouais. Fait que le fait que vous encouragez la station, c'est un peu comme dire « Hey, merci, c'est cool que vous fassiez ça. » Fait que vous pouvez comme acheter une carte de membre à 25$, puis ça va encourager ou venir bêter sur des lots. Donc demain, vous écoutez l'émission en cours toute la journée, ils vont parler des lots, puis là, vous venez bêter, puis ça va faire en sorte qu'on va faire de l'argent puis que la station va être en santé. Puis on aime ça, une station de radio en santé. Ça fait que, encourager, c'est KRL et le Radioton. On est là pour ça. Si t'avais un lot à choisir, ça serait lequel, Tania? Ça serait le lot numéro 62, Pâtisserie Simon. Moi, ça serait le 50$ du knock-out. Ah, y a ça? Ouais. Off. Mais je pense qu'en tout cas... Le knock-out, tu sais. Ouais. Ben, non, là. Le knock-out, on les aime. Jérémy? J'aime Rox. J'aime pas l'autre employé. Bon, c'est vraiment non, sympathique mais, tout ça. Mais prends-le pas personnel. Je vais pleurer. Et personne t'aime. On retourne en musique. On rappelle le numéro d'info-suicide. Hey, oui, en passant, s'il y a des auditeurs ce soir, ben cette nuit là, qui nous écoutent, j'aimerais ça savoir s'il y en a qui nous écoutent ou s'il y en a qui fait le colo au 640-1586. Oui, 640-1586 pour nous appeler en studio. On prend pas de demande spéciale. On n'est pas vraiment smart, mais on va quand même répondre. Sauf si c'est Wicked Game. Ouais, sauf si c'est Wicked Game. Si quelqu'un le demande, Wicked Chris Isaac. Wicked Game de Chris Isaac, c'est la seule demande spéciale qu'on va prendre, mais on a comme déjà établi à quel moment on va la passer. Ah, moi, je pensais qu'on le faisait au nombre de fois. Si une personne demande Wicked Game, on la met une fois. Si deux personnes nous demandent Wicked Game, on la met deux fois. Mais moi, j'ai peur qu'on devienne trop horny dans le studio. Fait que j'ai comme pas envie qu'on commence à passer Wicked Game. Je suis déjà pas mal horny. Fait que... Tania, laisse parler. C'est vraiment bien d'écouter Double Date. Laissez parler l'amour. Laissez parler l'amour. Oh là là. Si ça sent le sexe, ça sera pas notre faute. Hey, ça... On s'en va pas là. On s'en va en musique. On s'en va en musique avec les Pleasure Seekers, un band de filles des années 60. Vous êtes du garage et on va entendre la pièce Mr. Power. Vous faites le outro, les gars, parce que je vais partir le vinyle. Qu'est-ce qu'on avait dit avec les bouteilles? On fait pas de cognage dessus. Je vais t'encore te punir, mon maudit. Non, je suis en train de te chier. Là, je me sens mal. Ouais, parce que, hey, on y va avec le band. Moi, j'aime ça, chialer en outro. Thank you. 4 du matin. Oui. On est encore là. Jérémy, t'es là? Oui, je suis là. Jérémy est occupé à absorber de l'hélium. C'est ça qu'on fait dans nos temps libres pendant qu'on vous parle pas. On est mais, bien. Il mange... Ça m'a su. Hey, il manque juste les petites lunettes, je pense que c'est Howard Stern. Clairement que c'est lui. Ah, ouais. T'as profité. Ah, ben oui, je te jure. Hey, ah, ouais, espère-moi ça, cette ballonne-là. J'espère vas-y. Que. Vas-y. Vas-y. Ouais. Ça marche. Ah oui, là, je l'entends. Hey, je pense que j'entends. Vraiment. En tout cas, on va c'est faire de la... toute beauté. Ouais. Dis-moi, oh, cette semaine, à tout on le monde on a 8 parle. Ans d'âge mental. Cette semaine, tout le monde en parle. Ouais. Ah, Seigneur. On va laisser sur la meilleure radio que ça, là, Tania. À toi la parole. À moi la parole. Ben, en fait, j'espère que vous aimez le programme. Je réitère l'offre de nous appeler. Oui, oui, oui, on rappelle le numéro de téléphone. 40-15-86, 40-15-86 dans le 88. On travaille fort là pour faire votre bonheur. On le sait que c'est vendredi soir puis que tout le monde a autre chose à faire qu'écouter à la radio. Puis mais vous êtes quatre. On est comme les personnes les plus cool en ville. On rappelle que la troisième demande de Wicked Game gagne un t-shirt. On est déjà à deux. Un t-shirt de Chris Isaac. Chris Isaac, nu sur une avec plage. Avec le corps de PA. Oh yes! Si vous demandez comment on a pris la photo, non, ça n'est pas un photomontage. Hey, on continue en musique avec les sélections de Jérémy. Hein? Non, c'est bon. Non, vas-y. Parle-moi, Jérémy, parle-moi. Non, t'as des choses à me dire. Non, j'allais dire déjà, je pensais qu'on allait parler plus. Ben, on peut se parler, là. Moi, je suis zéro pressé, je suis là jusqu'à 4 heures du matin. Ben, moi aussi. Mais je pense que c'est tout. Mais c'est tout, c'est genre, hey, ça serait le fun qu'on parle un peu plus. Hey, j'ai vraiment besoin d'une bouteille d'eau. Je pense qu'il y a Mad Dog Vachon dans ta bouche. Ça de même. Hey, c'est pas la première fois. S'il te plaît, je vais pas me rappeler ces souvenirs-là. Mais on avait dit quoi d'autre à parler? On a plugué les nuits. On a parlé des nuits. Point.com, Knockout pour les billets. Sinon, ça ressemble à ça, je pense. Ça ressemble à ça, mais je vais le redire. On est l'équipe des Nuits Psychédéliques. De Québec. Et je suis Tania B. Lacasse et je suis avec Jérémy Sénécal, le pire gars au monde, et Pierre-Alexandre Tremblay, le deuxième pire gars. Mais deuxième en niveau de charisme. Le premier étant Tom Cochrane. Oh yes. Quand tu le dis vite, quand même, Cochrane, ça sonne un peu comme Cochrane. En tout cas, je dis ça de même, là, mais. Tom Cochrane. Je dépose ça ici. Mais si je le dis encore plus vite, c'est Tom Cochrane. Ok, on s'en va en musique. Les gars, vous faites le intro. Oui. Vous êtes rendus bon là, parce que je vous laisse aller. Je vais expliquer juste comme les garçons avec qui je suis en ce moment, là, ils ont pas beaucoup d'expérience de radio. C'est après, fait que j'ai envie de les laisser patiner. La un dernière peu, fois, j'ai dit trois mots la dernière fois qu'on a fait la radio. Ces trois mots-là. C'est fait battre. Ah, Chris. Non, c'est pas cette fois-là que je me suis fait battre. C'est après, avant. Mais non, on parlera pas de ces sujets-là. Non. S'il te plaît, je t'ai dit que j'ai pas envie de parler de mon expérience avec Mad Dog, puis quand je me suis fait battre, là, ça me tente pas. Là. Plug ton vinyle, Tam. Faites le intro, les garçons, parlez-vous. Ben, on fait l'intro présentement. Ouais, c'est ça, on parle de Mad Dog Vachon. Ouais, c'est ça. En tout cas, on vous laisse sur un vinyle de musique. On laisse sur le signe de vinyle. We'll be right back. Let the sun from my eyes, let it burn my left and the sun's a shore. Hey! sûr qu'il y a une belle Mona qui nous écoute. En Yo, salut maman, comment ça va? Mona qui? Mona Lapointe, on te salue bien profondément. Profondément. Je sais pas comment on fait pour saluer quelqu'un profondément. C'est facile, si. C'est facile. Ben, c'est juste. Okay. Deux phalanges, Jay. Deux phalanges. Jérémy a fait un mouvement présentement. Je vais vous décrire son mouvement. Non. On veut pas. C'est obscène. Juste qu'au coude. Ah, il est 2h47. Il y a personne qui écoute. On est les trois seuls à s'écouter. 2h47. Ouais. Hey, qu'est-ce... Il y a ma mère qui m'écoute, là. Elle t'écoute plus, elle dort. Ouais, mais ta mère est habituée que tu sois obscène et que tu sois genre le pire gars. Ouais, j'avoue. Hey! Qu'est-ce qu'il y a? T'as roté dans le micro! Oh, excusez-moi. C'est la pire chose au monde! Ouais, je pensais pas qu'on est jusqu'en onde, je suis content qu'on reçoive la pizza, fait qu'on est vraiment bien heureux de vous entendre. Ah, hey, oui, on reste ça en onde jusqu'à temps qu'on reçoive la pizza. Je pense que ça peut être bien long parce qu'on est vendredi soir à 2h48. Je pense que les gens au Pierrot, ils sont dans le jus, puis qu'on va peut-être recevoir notre pizza à 4h15 du matin. C'est pas grave parce qu'on est patient. Salut la gang du Pierrot. Ouais, salut la gang du Pierrot. Merci de nous nourrir. C'est bien smart. Si t'es de notre livreur avec notre pizza, oh ouais, gros, s'il te plaît. On vient d'entendre la sélection de Jérémy. Puis, c'était toi. Parce qu'on a encore entendu du Double Date with Dead. Je suis en amour avec le chanteur. Ouais, vraiment. Vincent Cooney, si tu m'écoutes à Montréal. Oui, Vincent, on l'aime beaucoup. Puis Vincent, il a parti dernièrement un nouveau projet avec... En fait, ça, c'est très drôle parce que comme on produit une psychédélique, on invite plein de groupes. Et l'année passée, il y a trois groupes qui sont venus et qui se sont rencontrés là-bas. Et ça a fait un genre de super band. Comme les... Donc, comme avec... puis les autres Roy Orbison. Traveller à Woodbury. Ouais, c'est ça. Ça a fait comme ça. C'est comme pareil. Ça, mais moins de notoriété mondiale. Mais... Il y a quand même Étienne du Vaisseau d'Or, Alex de Def et Vincent de Double Date qui sont devenus vidéo future. Et j'ai eu la chance d'aller les voir en spectacle la semaine passée. Premier show à vie à Trois-Rivières au Zenob. Il y avait pas grand monde, on va se le dire. Là. C'était pas le Dawa, mais on a eu bien du fun. Puis sérieux, Trois-Rivières, c'est pas la place la plus fun au monde. On arrête de le bâcher. On arrête de bâcher Trois-Rivières. Non, mais moi, je pensais vraiment que Trois-Rivières, ça se passait. Tout le monde me dit toujours, hey, Trois-Rivières, c'est le fun. Il y a genre une vie culturelle. C'est avec qui, Du monde. Du monde trop vieux pour que tu connaisses parce que t'étais pas né quand il était cool. On attend vos appels si vous avez des compliments à dire envers Trois-Rivières. 418-640-1586. Si vous avez quelque chose de bon à dire envers Trois-Rivières, on attend vos appels. Puis en passant, on parlait de vidéo future, là, le Super Ben. Si vous remontez à 3 tunes, il y avait une chanson 2, Hasta la Vista Baby. De leur, ils ont sorti du stock il y a 2 semaines. Ouais, environ 2 semaines, ils ont sorti, ils ont tapé, puis c'est sorti sur le Bandcamp, fait que... Allez voir ça, c'est gratis. C'est ben, ben bon. Pay what you want. Oui. Ou can. Moi, j'ai une question. Payez, en fait. Payez, si ça vous tente, les encourager. Mais payez un bon. Peu, parce que, pour ça... vrai, là, faut encourager ces artistes-là, ouais. Même si c'est gratis, là, donne une couple de piastres, puis ça fait un job, là. PA, parle-nous. Non, mais moi, c'est genre, c'est quand est-ce qu'on met Wicked Game? C'est genre, depuis tantôt qu'on en parle, moi, j'ai envie qu'on en parle encore un peu pour faire monter le sens que les gens, ils se peuvent plus à maison, là, parce que, ça lâche pas ici, ça sonne. T'imagines-tu la personne qui dit, genre, qui attend, qui a pas Internet, qui a juste une radio chez lui, il a dit, j'ai hâte d'être avec madame, c'est genre, je le sais qu'on va faire ça sur Wicked Game, ils vont dire qu'ils vont passer à la radio. Puis là, il attend depuis 4 heures, puis là, il dit, ah, ça s'en vient, mais excuse-moi. Mais tu sais, j'en profite pour saluer Madame Paquette parce qu'elle doit avoir vraiment hâte qu'on passe Wicked Game. Elle doit pas aimer ça, ce qu'il joue en ce moment. Madame Paquette, c'est pas mal la plus grande fan de CKRL. Puis c'est la personne qui m'a appelé le plus souvent de toute ma vie d'animatrice. Donc, des fois, 3 fois par émission. Est-ce qu'on lui rappelle le numéro de téléphone pour qu'elle nous rappelle? C'est 640-1586, Madame Paquette. Mais je pense qu'il est déjà enregistré sur son téléphone, fait que c'est correct. Elle peut nous appeler quand elle veut, elle le sait. La ligne est toujours ouverte pour elle. On s'en va en musique avec... Arrête de jouer avec ton micro, sérieux, c'est pas beau ça. C'est vraiment pas beau. C'est vraiment pas le fun. Désolé. On s'en va en musique avec Uburu, un groupe qui est déjà venu au Nuit Psychédélique de Québec il y a 3 ans. On leur plug. Mais oui, vas-y, t'es bon. Pointvente.com, knockout pour les billets. Oui. La passe 3 jours est... $30 pour 15 groupes. 14, ça c'est... 14 c'est 2 piastres le band. 14 bandes, 15 bandes. Ouais. En tout cas, ça revient pas cher pour ce que c'est vraiment cool. Hey, je vends ça solide, pareil. Ben oui. Ben, c'est un peu mou, là. J'aurais aimé ça que tu te la joues un peu plus. On annonce. Radio commercial. Okay, essaye de me vendre un matelas. Non, on mais... attend que. On, aussi, qu'on est fier de dire que maintenant, les psychédéliques, à chaque achat de billets, il y a 2 piastres qui vont aller dans les cours de diction de Jérémy. Il vient de Val-Bélair, fait que faut l'excuser. Ok, on vient de s'enrayer Trois-Rivières et Val-Bélair. Merci, Tania, c'est vraiment apprécié. Moi, mon but, c'est d'être barré de toutes les régions du Québec d'ici c'est la bien... fin du show. Ouais, t'as bien starté ça, je crois. Bon, fait qu'on s'en va écouter Uburu. Oui. Et ensuite, on se laisse sur une sélection de Tania. Fait que si c'est pas bon, ben c'est Tania. Puis appelez pour la bâcher au 418-640-1586. Le troisième appel qui bâche, Tania gagne un t-shirt. On est déjà à 15. Vous êtes cave. Mais non.